Tu chantes pour t'y reconnaître. Et tu danses sur ce style. Et tu donnes, cela te plaît. Et tu bouges, la boucle est bouclée. Il y a tantan qui aime ma musique électronique. Quand il y a tantan qui panique en me voyant si diplomatique. Quand c'est mon tantan comme slick dans ma musique. C'est quand ce tantan où je me précipite. Alors il y a tantan d'horizon que j'apprécie. Il est tantan de se conjuguer pour partir. J'ai tantan de clés et d'idées, c'est inné. T'es sûr, ah ouais? Alors tantan que je vis de tout droit, je m'en tournerai pas. Puisque c'est tantan et carrément intéressant pour ça où que j'aille. Alors il est tantan d'y passer contre l'orienté. Mais c'est tantan pour s'en sortir, ça fait réfléchir. Il y a tantan de plaisir qui se reflète, mis au poker Bernard Tapie. Chante pour t'y reconnaître. Et tu danses sur ce style. Et tu donnes, cela te plaît. Et tu bouges, la boucle est bouclée. Alors tantan que cela est impossible. Tantan que cela s'explique. Alors tantan des causes qui fusent. Tantan qu'il y a du sang. Tantan cela est tantan. Pourquoi? Pour que le temps avec ta l'usure des mots se t'immarque sur ce plomb. Il est tentant de faire face. C'est tentant mais pas dans ce temps. Alors tentant et merde tant pis. Et tu chantes pour t'y reconnaître. Et tu danses sur ce style. Et tu donnes, cela te plaît. Et tu bouges, la boucle est bouclée. Tantan, c'est pas fini, ça continue. Hé, c'est la mienne. Ça continue, tantan. C'est le tantan. Yeah. Action. Tantan, c'est comme un bon film que la suite s'amorce. Tantan, mais tu l'applaudis, tu serais diabolique. Tantan, avec le sens et l'envie que tu poursuis. Tantan, et de suite tu seras dans le temps, qu'est-ce qui t'attend? Et tu chantes pour t'y reconnaître. Et tu danses sur ce style. Et tu donnes, cela te plaît. Et tu bouges, la boucle est bouclée.